La clé du jardin par Ponson du Terrail. Au mois d'octobre dernier, quelques affaires d'intérêt me conduisirent dans une petite propriété que je possède dans un coin des Alpes. Il y avait plus de 10 ans que je n'avais mis les pieds à S. Tout change en 10 ans. Les jeunes tailles des bois deviennent de hautes futaies. Les maisons vermoulues font place à des constructions nouvelles. Les hommes mûrs vieillissent et les vieillards disparaissent. Que de choses évanouies pendant cette longue absence, et comme ma pauvre maison paternelle était vide et silencieuse. En revanche, je retrouvais des hommes là où j'avais laissé des enfants, et des étrangers à la place d'amis descendus dans la tombe. Le lendemain de mon arrivée, en ouvrant ma croisée qui donnait sur de grands bois et sur un petit vallon d'aspect sauvage et pittoresque, je fus fort étonné d'apercevoir, à un quart de lieue devant moi, adossé au flanc d'un coteau, et sur l'emplacement même d'un moulin, jadis le but de mes promenades, une jolie maison blanche à volets verts, entourée de saules pleureurs et de platanes. J'étais arrivé le soir, à 10 heures, par une nuit obscure. J'avais été reçu par de vieux serviteurs nés dans la maison qui m'avaient reçu en pleurant, car c'était la première fois qu'ils me revoyaient depuis que j'étais, hélas, le chef de ma famille, et l'on conçoit sans peine qu'aucun d'eux n'eût songé à m'apprendre que j'avais un nouveau voisin de campagne. La vue de cette maison piqua ma curiosité. J'avais d'ailleurs un ardent besoin de distraction pour dominer cette douleur muette qui naît des souvenirs. J'appelai Pierre, une sorte de maître Jacques, qui cumule chez moi toutes sortes de fonctions et possédait la confiance absolue de mon père. Pierre était assis sur un banc, dans la cour, verticalement au-dessous de ma fenêtre. Il me nettoyait mon fusil et dressait en même temps, au rapport, un jeune chien de race vendéenne que je lui avais envoyé de Paris avec des chiens courants que je destinais à remonter mon chenil. Il leva la tête à mon interpellation et je lui montrai du doigt la maison blanche. « Est-ce que Hugues Meunier aurait fait fortune ?» lui demandai-je. « Non, » me répondit-il, « Hugues est mort et ses enfants sont allés s'établir à Marseille. C'est une dame de Paris qui a fait bâtir cette maison et l'habite. « Depuis quand ?»« Depuis 3 années. Sais-tu son nom ?»« Oui, c'est Madame de V. » Ce nom me fit tressaillir et évoqua chez moi tout un monde de souvenirs. Je me rappelais avoir rencontré, 4 années auparavant, dans plusieurs salons de Paris, une jeune femme fort belle, veuve depuis peu d'un vieux mari, son parent, qui lui avait laissé une grande fortune à la condition qu'elle épouserait son cousin, le jeune baron de V, dernier représentant de son nom. Le baron était un tout jeune homme, assez pauvre, beau garçon, spirituel et fort à la mode dans le beau monde. Tout Paris était au courant des dernières volontés de feu M. de V, et le mariage de la belle veuve et de son cousin devait avoir lieu à l'expiration du deuil, c'est-à-dire vers la fin de l'été. Les deux amants partirent au printemps pour les eaux des Pyrénées, décidés à célébrer leur union en province et à ne revenir que mariés. Pour observer les convenances, Madame de V, la mère du jeune baron, les accompagnait. L'hiver suivant, on fut fort étonné de voir reparaître le baron avec une jeune femme qu'il présenta comme la sienne et qui n'était cependant pas sa cousine. Quant à celle-ci, elle avait disparu, fait vendre son hôtel, ses chevaux, congédié ses domestiques. Où était-elle? Pourquoi n'avait-elle point épousé son cousin? Ce fut là une énigme dont le baron, sa mère et sa femme gardèrent religieusement la clé. La rumeur publique en fut émue d'abord, puis elle s'apaisa petit à petit, et la belle veuve fut oubliée. On conçoit que ce nom prononcé si loin de Paris, en éveillant mes souvenirs, dut piquer ma curiosité au plus haut point. Et dédaignant de questionner Pierre plus longuement, je fis seller un cheval et me rendis chez le notaire du pays, avec lequel d'ailleurs j'avais réglé plusieurs affaires. Le notaire m'apprit en 10 minutes que Madame de V était une femme de 26 ans, blonde, grande, svelte, habitant la nouvelle propriété toute l'année, avec 2 domestiques âgés et une petite fille d'environ 5 ans qui était vraisemblablement la sienne. Les domestiques sortaient peu, ne parlaient à personne, sans besoin urgent et prononçaient à peine le nom de leur maîtresse. Madame de V faisait, avec l'enfant qu'elle avait auprès d'elle, de longues promenades aux alentours de sa propriété, ne recevait aucune visite et paraissait vouloir s'entourer d'une solitude absolue. Au portrait tracé par le notaire, j'avais reconnu Madame de V, celle que je rencontrais dans le monde autrefois. Cependant, la présence d'une fille qui passait pour la sienne me déroutait fort, car Madame de V n'avait pas d'enfant de son premier époux. Ma nouvelle voisine avait acquis les terres dépendant du moulin sur les ruines duquel elle avait construit sa villa. Parmi ces terres, il y avait un champ taillé en pointe et formant comme un promontoire assez long et fort mince qui mordait sur mes limites. Mon père avait toujours eu l'intention de s'arrondir. Le temps seul lui avait manqué. J'avais là un prétexte tout trouvé pour faire une visite à Madame de V. J'usais du prétexte dès le lendemain et je me présentais chez elle vers midi. C'était bien celle que j'avais connue. Elle me reçut dans un petit pavillon élevé au bout du jardin et où elle passait de longues heures à lire ses auteurs favoris. Elle était un peu émue. Je compris qu'elle se repentait, en me reconnaissant, de m'avoir laissé pénétrer jusqu'à elle. Madame de V était une femme d'esprit. Elle comprit que mieux valait détourner des conjectures souvent fâcheuses par un aveu complet et se fit à ma discrétion plutôt qu'offrir, par un mystérieux silence, un aliment naturel à ma curiosité. « Monsieur, me dit-elle avec un sourire demi-triste, demi-rêveur, vous êtes la première figure parisienne que j'aperçois depuis 3 ans et plus. Le hasard nous rapproche. J'aurai mauvaise grâce à essayer de vous fuir, et je crois devoir vous confier le secret de ma disparition du monde, puisque vous avez pénétré celui de ma solitude. » Je transcris textuellement le récit de Madame de V. « Vous le savez, monsieur, je devais épouser il y a 3 ans le baron Gaston de V, mon cousin. Ainsi l'avait voulu mon premier mari, qui portait le même nom, et tenait beaucoup à ce que ce nom ne s'éteignît point. Gaston était un charmant cavalier, spirituel, de manière distinguée, bon, affectueux. Il résumait assez bien ce type de héros de roman rêvé par les jeunes pensionnaires, et j'étais heureuse de l'aimer et d'en être aimée. Nous allâmes ensemble aux Aubonnes, où nous devions passer 2 mois pour revenir de là en Vendée, dans une propriété de famille que possédait sa mère, et où notre mariage serait célébré vers la mi-septembre. La saison des eaux ne commence guère avant la fin de mai dans les Pyrénées. Nous arrivions, nous, en avril, et il y avait fort peu de monde encore. Au milieu de la saison, les villes de bains sont encombrées, on se lie difficilement, on est défiant à l'excès, et il est rare qu'on ose se risquer à des relations nouvelles. Au commencement, tout au contraire, on se rencontre à la campagne avec un certain plaisir, des liaisons se forment assez vite. Le petit nombre des baigneurs les pousse à se rechercher mutuellement. Le salon de conversation devient alors comme un salon du monde, où l'on cause avec abandon et presque en famille, chaque soir, avant ou après le bal de réunion. Lorsque nous arrivâmes, il en était ainsi. Quelques habitués des Aubonnes, et qui y venaient tous les ans, racontaient aux nouveaux venus les anecdotes de la saison précédente et se résignaient de bonne grâce au rôle de chroniqueur. Le premier jour où nous parûmes au salon, il était question d'une sombre et triste aventure qui avait produit une profonde et douloureuse sensation sur les quelques baigneurs retardataires qui se trouvaient encore aux Aubonnes vers la fin d'octobre. Les circonstances mystérieuses qui l'avaient enveloppé redoublaient l'âpre curiosité qui s'attache à ces sortes d'événements. Voici ce que l'on savait. Vers le mois de juillet, un jeune couple et un enfant étaient arrivés aux eaux. Le mari était un homme de 30 ans, la femme en avait 22 ou 23, l'enfant 2 à peine. C'était une petite fille. Le train d'existence modeste qu'ils avaient adopté attestait que des raisons de santé et non de plaisir les amenaient. Le mari était atteint de douleurs prématurées et il marchait avec peine. La jeune femme était fort belle. Elle excitait l'admiration générale, et on regrettait de ne la point apercevoir plus souvent, car elle sortait peu et ne paraissait jamais au bal et aux concerts. À peine la rencontrait-on aux promenades et jamais aux heures élégantes. Cependant, on avait fini par savoir que le mari se nommait Flamet, qu'il occupait une position honorable dans l'administration départementale et qu'il était dénué de fortune. Au bout d'un mois de séjour, il arriva que M. Flamet fut obligé de s'absenter pour aller recueillir le dernier soupir de sa mère, qui habitait Nérac. Il laissa sa femme aux eaux et partit seul. Il ne revint que 3 semaines après, et le lendemain, un bruit sinistre se répandit dans la petite ville des Bains. M. Flamet s'était battu avec un jeune homme appelé le marquis de B, assisté tous deux d'un seul et même témoin, et il avait été tué raide à la 3e passe. Pourquoi ce duel? On ne l'avait pas su, et le marquis était parti en toute hâte avec son ami. Le duel avait eu lieu dans le jardin, presque sous la fenêtre de la malheureuse jeune femme à qui l'on rapporta son mari mort et que ce trépas devait plonger, elle et son enfant, dans le dénuement le plus affreux. M. Flamet était arrivé la veille à 10 heures du soir. Le lendemain à 8 heures du matin, il était mort, pendant que sa femme dormait encore, son enfant dans ses bras. On racontait cela au salon des eaux, je l'ai dit, le jour même de notre arrivée. Au premier mot, j'avais vu Gaston tressaillir, puis devenir horriblement pâle, et enfin, lorsque le complaisant narrateur eut fini, il se leva vivement, m'offrit son bras et me dit à l'oreille « Sortons, j'étouffe, je devine, je sais tout. » Gaston me conduisit à l'hôtel où nous étions descendus. Il marchait d'un pas inégal et saccadé, des soupirs heurtés soulevaient sa poitrine, il était en proie à une agitation extrême. Il ferma la porte à double tour, se jeta sur un canapé et me dit avec une poignante émotion « mon Dieu, c'est moi qui suis cause de cet horrible événement. Vous » m'écriai-je. « Oui, moi. Vous le savez, j'étais ici l'année dernière. Je suis parti la veille de ce duel, je ne l'ai pas appris. Oh, si j'avais su !» Je contraignis Gaston à s'expliquer. Je parvins à le calmer, il me raconta ce qui suit. « Vous savez bien, me dit-il, que je connais le marquis de B, que j'étais son ami, et que nous arrivâmes ici presque en même temps. B est un étourdi, une tête folle, qui obéit à tous les caprices de l'imagination, et foule souvent aux pieds tous les scrupules lorsqu'il s'agit de satisfaire son amour-propre. À mon arrivée, j'avais loué cette petite maison que vous voyez là, devant nous, à mi-côte, précisément celle où demeurait après moi M. Flamet, et dans le jardin de laquelle il a été tué. Cette maison a 2 entrées, l'une par le jardin, l'autre par la chaussée. Chacune des 2 portes était munie de 2 clés. Je l'avais habitée 1 mois environ. Un caprice me l'a fait quitter, ou plutôt, le désir d'aller me loger avec B, qui s'était casé à peu de distance, y avait un très beau pavillon à portée du manège. Je ne sais comment cela se fit, mais en tendant les clés de la maison au propriétaire, j'en conservais une sans le savoir et qui ouvrait la porte du jardin. Je la retrouvai au fond d'une malle la veille de mon départ. Tandis que je fermais mes valises, car j'avais arrêté une place de coupé dans la voiture de 11 heures du soir, B entra avec Jules de S, notre ami commun. B avait une expression de physionomie triomphante. Il se dandinait avec une incroyable fatuité et ses allures conquérantes m'intriguèrent. La plus simple façon de faire causer les fats est de ne les point questionner. Au bout de 10 minutes, le marquis m'avoua avec force, restriction compromettante, qu'il était amoureux de Madame Flamet, qu'il avait lié connaissance avec elle, à la promenade, offert ses services, lesquels avaient été acceptés, et qu'enfin il était au mieux déjà avec la jeune femme, dont il se promettait bien de mettre à profit le veuvage instantané. Je savais que B était vantard et timide en même temps qu'il n'exécutait jamais que le 10e de ses rodomontades et qu'aucun homme n'était moins dangereux que lui pour le repos d'une honnête femme. Jules de S et moi nous échangeâmes un regard et nous promîmes de pousser la modestie de notre ami dans ses retranchements extrêmes. C'était facile, B finit par nous avouer qu'il avait la promesse d'un rendez-vous. C'était complètement faux, j'en suis persuadé. Mais la vanité dominait toujours ce pauvre garçon et le poussait parfois jusqu'à l'indélicatesse. « Ah ça !» lui dis-je en riant, « il est au moins probable que tu possèdes déjà cette clé mystérieuse du parc, qui joue un si grand rôle dans les romans de M. Ducré et du Minil. »« Non, » me répondit-il, « mais je l'aurai. »« Ma foi !» lui dis-je, « je ne vois aucun inconvénient à te la donner moi-même et je suis persuadé que tu en feras bon usage. » B s'empara de la clé et la glissa mystérieusement dans sa poche en ajoutant « J'achèterai ce soir une guitare et je donnerai ma première sérénade. » Je partis avec la conviction que B oublierait en 48 heures la guitare, la clé et Madame Flamet elle-même. Hélas, je me trompais. Je ne sais ce qui est arrivé après mon départ, mais M. Flamet a été tué le lendemain dans le jardin par B et c'est moi qui en suis la cause innocente. Gaston était désespéré. Je me représentais alors l'horrible situation de cette malheureuse femme à qui l'étourderie de 3 jeunes fous enlevait son mari en la plongeant dans la misère. Je sentis que la veuve et l'enfant de la victime avaient des droits sacrés à une réparation et je dis à mon cousin « Il faut retrouver Madame Flamet. Nous partirons demain et nous la chercherons, laissons-nous fouiller la terre entière. » Nous fîmes des recherches le soir même, nous apprîmes que la pauvre veuve était retournée dans son pays, un petit village du Nivernais, où elle vivait auprès de sa vieille mère. Le hasard nous fit rencontrer en route Jules de Hesse, le témoin du meurtrier. Jules revenait en France accablé de remords, après avoir laissé en Espagne le marquis de B, qui déjà avait oublié l'affreuse catastrophe du jardin. Jules nous donna les détails qui devaient compléter ce que nous savions. Après mon départ, le marquis n'avait pas hésité à se servir de la clé pour pénétrer dans le jardin. Non qu'il songeât à s'introduire dans la maison, il n'avait pas assez d'audace, mais il voulait simplement persuader son ami Jules de Hesse qu'il n'avait qu'à se présenter pour être reçu. Malheureusement, M. Flamet, arrivé depuis une heure à peine, fumait tranquillement son cigare dans le jardin lorsque B y entra, et ils se rencontrèrent. Une explication était indispensable. B voulut payer d'audace et de fanfaronnade. Il poussa même le cynisme jusqu'à prétendre qu'il n'en était point à son coup d'essai. M. Flamet répondit à cette calomnie par un soufflet, car il croyait en sa femme comme à lui-même. Un duel fut convenu. M. Flamet, indigné, retint le marquis prisonnier jusqu'au jour. Au jour, ce dernier envoya son hôtel chercher Jules de Hesse, qui arriva avec des épées. Ce ne fut qu'après l'issue fatale de cette rencontre que M. de B fit des aveux complets à son ami. Nous quittâmes M. de Hesse à Orléans et prenant la route de Nivernais, nous nous dirigeâmes vers le petit village habité par la jeune femme. Madame Flamet était la fille d'un militaire mort sans fortune et ne laissant à sa veuve que le tiers de sa pension, c'est-à-dire 100 écus par an. Les deux femmes, la mère et la fille, travaillaient nuit et jour pour vivre, car ce faible revenu était insuffisant. Elles occupaient un pauvre logis dans une vieille maison située à l'extrémité du village. Elles n'avaient pas même de jardin, ce coin de terre que possède le plus humble des paysans. J'allais les voir, laissant Gaston et sa mère dans la modeste auberge, la seule du village, où nous avions laissé notre chaise de poste. « Madame, » dis-je à Madame Flamet, après avoir décliné mon nom, qui lui était parfaitement inconnu, « je suis la parente du baron de V. Le baron de V a, par une étourderie, brisé votre bonheur et l'avenir de votre enfant. Je viens, au nom même de cet enfant, vous supplier de nous fournir les moyens de réparer, autant qu'il nous est possible, l'affreux malheur que le baron a causé. » Elle ne comprit pas bien, je la vis rougir et me hâtai d'ajouter « Mon parent, M. de V, est jeune et riche. Il a un noble cœur. Sa main est libre et il vous aime. » Ai-je besoin de vous dire ce qui suivit ? Madame Flamet, à qui je racontais les événements de l'année précédente, événements dont elle ignorait le premier mot, se défendit longtemps, avec une noble abnégation. Mais je parlais au nom de l'avenir de son enfant, au nom de sa vieille mère, dont elle pourrait adoucir les derniers jours, et elle céda. Alors je retournai auprès de Gaston, et j'eus assez de force pour lui dire « Il faut que vous épousiez Madame Flamet. » « Mais, s'écria-t-il en pâlissant, vous savez bien que je vous aime. » « Moi aussi, » répondis-je. « Moi aussi je vous aime, Gaston. Mais il faut sacrifier l'amour au devoir. À cette veuve sans appui, il faut un époux. À cette orpheline, il faut un père. Vous êtes le dernier représentant de votre nom. Il faut que ce nom soit noblement porté. » Gaston était ému. Il tremblait de tous ses membres et couvrait mes mains de baisers. « Écoutez, lui dis-je, Madame Flamet est d'une condition trop honorable pour qu'on puisse lui offrir de l'argent. Elle ne peut accepter que votre main. Entre le choix d'une réparation, je vous permettrai d'hésiter, mais hélas, ce choix n'existe pas. « Vous avez raison, me dit-il, l'honneur avant tout. » « Monsieur de V, mon mari, ajoutai-je, m'avait légué sa fortune à la condition que je vous épouserai. Puisque cela ne se peut, nous allons partager, ou plutôt, prenez tout, j'ai une petite dot qui me suffira. » Un mois après, Gaston épousa Madame Flamet. Nous allâmes ensemble faire un voyage en Italie, et au retour, je refusai de les accompagner à Paris. Madame Flamet était belle, dévouée, aimante, elle se prit d'une tendre affection pour son mari, puis à son tour, Gaston finit par l'aimer. Je n'avais plus rien à faire auprès d'eux. Leur bonheur m'aurait tué peu à peu, car je l'aimais toujours. 5 ans auparavant, en allant en Italie, j'avais pris la route des Alpes, et je m'étais arrêté ici pendant 2 jours. Le site m'avait plu, il était demeuré gravé dans ma mémoire, et je quittai Gaston et sa femme à Marseille, décidé à me fixer dans ce coin ignoré, et renonçant pour jamais à Paris. L'amour rend aveugle, Madame Flamet ne s'était point aperçue que j'aimais son mari. Gaston l'avait bien vite oublié. Il fallait cependant remplir ma vie à jamais brisée et déserte. J'avais besoin de m'enlacer à une de ces affections vivaces qui absorbent le cœur tout entier. Je demandai à adopter la fille de M. Flamet. Sa mère résista d'abord, mais je fus si éloquente. Je priais, je suppliais tant qu'elle céda encore, et alors je m'enfuis, craignant qu'elle ne revînt sur sa faiblesse, que le cœur de la mère ne parla plus haut que l'amitié et la reconnaissance de la femme, et j'accourus ici, cacher au monde entier cet enfant, ma dernière affection, mon dernier amour. Au moment où Madame de V achevait, une blonde et rieuse petite fille ouvrit la porte du pavillon, tendit son front blanc à sa mère adoptive, et celle-ci y mit un baiser en me disant avec émotion « Ils sont heureux, j'essaie de l'être ». C'était La clé du jardin, par Ponson du Terrail.